La belle Sinaïa, conte indien par Georges Brousseau. Au pays des mille rivières et des cascades, vers les sources du Maroni, le village de Yamake mire ses 30 cases en ogive dans les eaux limpides de Litanie. Pour cadre, la forêt vierge, et pour horizon, là-bas, de l'est à l'ouest, les croupes boisées de la chaîne du Tumucumac. Dans les clartés du jour naissant, le village s'éveille. Les femmes allument les feux et les jeunes filles vont à la rivière remplir les calebasses pour la provision d'eau de la journée. Les hommes et les jeunes guerriers, assis dans leur hamac, attendent gravement leur premier repas du jour. Sinaïa, la fille du chef, la belle Sinaïa, pleure dans un coin, à l'écart, derrière sa case. Elle a 15 ans, l'âge de l'hyménée. Son père, Akato de Pehu, lui a dit la veille au soir que la fête de son mariage avec Matebo, le sorcier Rukuyen, aurait lieu dans 8 jours à la pleine lune, et la belle Sinaïa pleure des larmes muettes qu'elle essuie avec les longues tresses de ses cheveux noirs. Elle songe à Karina, le fils d'Asupi, petit-fils lui-même du grand cacique Tumucumac, celui qui conduisit les Oyampis fuyant les barbares conquistadors du Pérou. Sinaïa est l'ornement et la fierté de son village. Sa beauté parfaite, sa voix douce et pénétrante, et le charme exquis qui se dégage de son sourire et de ses longs yeux noirs veloutés, lui ont valu d'être la reine de la tribu. Une dernière fois, elle essuie ses yeux avec ses tresses brunes. Elle espère. Prenant sa calebasse, elle va, comme les autres, chercher sa provision d'eau. Mais au lieu d'aller vers le fleuve où sont ses compagnes, par un sentier mystérieux de la forêt, où à 7 heures matinales, les âmes des vierges mortes errent encore, elle va sans crainte jusqu'à la source limpide qui dort là-bas, entre les rochers sacrés. Dans ce temple solitaire où nul n'oserait s'aventurer, elle sera bien seule avec sa douleur. Elle s'assied sur la pierre au bord de l'eau limpide dans laquelle elle se mire. Elle rêve. C'est là que Karina, le plus fort et le plus courageux de la tribu des Oyampis, lui dit qu'elle était la plus belle. C'est là aussi qu'elle lui a pris, les yeux baissés, pleine de troubles, qu'elle était promise à Matebo le sorcier, et que les cadeaux faits par ce dernier à ses parents les engageaient trop visiblement par devers lui. Mais Karina sourit. Il ne craignait point le sorcier. Il lui donna cette amulette si chère qu'elle porte dans ses cheveux pour la dissimuler, cette amulette qui a la forme d'un cœur et qui contient un peu de son sang à lui. Le jour où tu auras besoin de moi, tu n'auras qu'à piquer ce cœur avec la pointe d'un poignard ou d'une flèche, et partout où je serai prévenu, je retournerai vers toi, ici, près de la source. Depuis 8 jours, sur l'Itani et le Marouani, la grande nouvelle s'est répandue, et les invitations d'Akako de Pehu et de Matebo arrivent déjà pour la célébration du mariage de la fille du chef d'Oyamake. Selon la coutume, le ou les prétendants doivent conquérir la fiancée de haute lutte. Celle-ci, aidée de ses compagnes armées de bâtons, doit se défendre contre les entreprises du fiancé. Il est arrivé quelquefois que ce dernier a dû renoncer à celle qu'il aimait. Cette dernière peut encore lui échapper en fuyant par la rivière ou par la forêt. Il arrive aussi que le prétendant, roué de coups, capture sa prétendue et la ramène prisonnière au milieu des cris de joie et des applaudissements des assistants. Alors le père de la jeune fille lui apporte un arc et 3 flèches. La mère lui remet une coupe pleine de cachéries. Et l'épousée offre à son époux l'arc et les flèches pour la bien défendre et la coupe de cachérie dont elle boit d'abord la moitié et dont il achève ce qui reste. Le lendemain doit avoir lieu la noce. Sinaïa est heureuse. Karina est revenue et auprès de la source sacrée, ils ont tramé ensemble tout un petit complot qui doit tourner à la confusion de Matebo. Karina s'est posée comme prétendant et les pirogues de ses envoyés ont depuis le matin apporté les cadeaux d'usage. Le lendemain, en effet, pendant que Matebo était roué de coups de bâton par les jeunes filles de la tribu, Karina retrouvait à son rendez-vous dans la forêt la belle Sinaïa et la ramenait au village enlacée par une liane de moreroux en fleurs. Matebo, dont la science pour la première fois était mise en échec, cacha son ressentiment et, semblant partager l'allégresse générale, garda au fond de son cœur une haine profonde contre son heureux compétiteur. Des mois passèrent. Matebo se faisait oublier. Karina vivait heureux avec sa femme dans un village sur la rive opposée de la rivière. Ses plantations de manioc, de coton et de riz étaient prospères, ses pirogues nombreuses et son commerce avec les Oyampis et les trios florissants. Un jour qu'il était parti à la pêche, à quelques lieues en amont, son petit canot dérivant dans le courant revint seul vers le village où on l'arrêta. On chercha en vain Karina, et aucun indice, aucune trace ne révélèrent comment il avait disparu. Les chefs Oyampi et les chefs Rukuyen s'assemblèrent. Les sorciers furent consultés. Des recherches nouvelles furent faites, et sans qu'on sût trop comment était née cette légende, on racontait que la Ouyara, la fée des eaux, avait charmé le beau Karina et l'avait entraîné avec elle dans les eaux profondes. Le vulgaire se contenta de cette explication, mais Sinaya, dans son cœur attristé, avait prononcé tout bas le nom de l'assassin de son homme qu'elle avait juré de venger. Les 10 lunes du deuil écoulées, elle retourna chez son père à Oyamake. Alors Matevo à nouveau lui parla de sa passion, de sa puissance et de ses richesses. Elle reçut de lui des cadeaux et le désespéra par une longue attente. Elle lui dit un jour qu'elle consentirait à s'unir à lui si par sa sorcellerie il pouvait affirmer que Karina était bien mort. Malgré sa douleur, dissimulant son ressentiment, elle se fit bonne et douce pour le sorcier. Matevo, après bien des hésitations, un jour qu'il était seul avec elle au village, lui avoua que par amour d'elle il avait assassiné son mari. Mais voulant tout savoir, elle s'indigna et se moquant de lui. « Comment, toi, Matevo, le sorcier, l'homme de l'ombre et des trahisons, as-tu pu regarder en face Karina et porter la main sur lui? Tu mens, tu n'as pas fait cela et tu te vantes. » Alors il raconta tout, comment il s'était rendu dans la forêt par des chemins détournés jusqu'à l'endroit où Karina disposait ses pièges à poissons, auprès de la cataracte qui couvrait tout de sa grande voix. Là, tapis sur la rive, attendant le moment propice, dissimulé derrière les feuillages, il avait sûrement transpercé d'une flèche empoisonnée au curare son valeureux ennemi. Mais elle lui dit encore, « Tu mens. Je ne te croirai que si tu m'apportes la preuve de ce que tu avances, quand tu m'auras montré son cadavre et la petite amulette que je lui avais donnée et qu'il portait toujours à son cou. « C'est bien, dit-il, tu auras cette preuve. » Minuit. Heure sombre où les mauvais esprits emplissent de bruits mystérieux la grande forêt vierge. Quelques rayons tombés des étoiles se reflètent vaguement sur les branches et les palmes que la brise secoue et met en pleurs. Les trigonocéphales sifflent en trémolo. Les singes de nuit égrènent les koumous et les maripas, les fruits de palmiers, qui tombent avec bruit sur le sol. Le jaguar en chasse répète son rugissement. Sur la rivière, la loutre pousse son cri sinistre. Soudain, dominant tout cela, des hurlements s'élèvent, d'abord doux et plaintifs comme une supplication, puis un chant aigu, un chant de mort dont les paroles se répètent, évocation à l'esprit du fleuve, tantôt en note douce comme une mélopée, tantôt comme une incantation vibrante, comme une menace. Ceux et celles du village qui entendirent ces hurlements et ces chants sauvages frémirent de crainte, en songeant au sorcier Matevo, en commerce avec les ombres. Quel événement tragique! Quel mauvais sort allait encore frapper la population du village? Au lever du jour, à l'entrée de la case de Sinaya, on trouve le cadavre décomposé de Karina reconnaissable à son pagne, à sa ceinture et surtout au talisman que lui donna autrefois sa fiancée et dont il ne se séparait jamais. Matevo sut habilement faire comprendre à tous que par ses sortilèges, il avait contraint la Ouyara, Mamadilo pour les Noirs, à rendre le corps de sa victime. Devant cette scène d'horreur, la veuve poussa des cris déchirants. Elle pensa dénoncer l'assassin. Mais que pouvait-elle faire seule et sans autre preuve? Matteo triomphait, et son mariage avec Sinaya se célébrait en grande pompe. Tous les chefs Rukuyen et leurs familles avaient tenu à lui faire honneur. Au moment fixé, suivant le rite traditionnel, devant la foule assemblée, Sinaya, le corps teint en rouge et en bleu, sa belle chevelure parée de fleurs, les reins saints de son calambé de perles versicolores, présenta à Matevo une coupe de kashiri préparée par elle. Elle en versa quelques gouttes à terre en hommage au lard du voisinage, en but une partie et invita son épouseur à boire le reste. Celui-ci acheva la coupe. Alors, ce qui ne s'était jamais vu, Sinaya réclama le silence et devant tous les chefs assemblés, la foule des femmes et des enfants, elle vociféra la face du sorcier, son accusation et sa vengeance. Matteo, tu vas mourir. Le poison que j'ai préparé pour toi dans le cachiri que tu viens de boire est plus sûr que tes maléfices et tes incantations à la Ouyara. Tu n'assassineras plus dans l'ombre les braves que tu n'osais regarder en face. Tu n'empoisonneras plus personne. Karina, que tu as assassinée en te cachant comme un reptile dans la forêt. Karina, dont l'esprit te regarde là-haut, derrière les nuages, sourit à ma vengeance. Il nous attend, tous les deux. Dans les grands territoires de chasse et de pêche où règne le grand esprit, je suis heureuse de mourir pour lui. Mais toi, immonde assassin, excrément de chien, comment subiras-tu sa colère impatiente ? L'effet du poison autant que ses paroles fut terrifiant. Matteo livide, chancelant, les yeux hagards, le corps agité d'un tremblement, les bras étendus, cherchant vaguement un point d'appui, tomba renversé sur le sol. Son corps se tordit convulsivement en un dernier spasme, pendant que prostré, accroupi auprès de lui, Sinaya râlait sa suprême malédiction. Ainsi s'achève la belle Sinaya, conte indien par Georges Brousseau.